Maintenant, comment dites-vous? Je reste à la maison ce soir parce que je suis fatiguée. Ici, c'est un homme qui parle. Restare. Restare, c'est rester, c'est l'infinitif. Resto. Resto, c'est ça. Je reste à la maison ce soir. Resto a casa. J'ai oublié comment on dit ce soir. Stasera. Resto a casa stasera. Parce que je suis fatiguée. Fatiguée avec un « et ». Parce que c'est un homme qui parle. Perché sono stanco. Voilà. Perché sono stanco. Donc, je reste à la maison. Resto a casa. Ce soir. Stasera. Parce que je suis fatiguée. Perché sono stanco. Avec un O. Parce que c'est un homme qui parle. Bon. Maintenant, comment dit-on préparer? Préparare. Préparare. Et je le prépare? Preparo. Lo preparo. Lo preparo, oui. Et comment diriez-vous, pourquoi ne le préparez-vous pas pour moi? Perché non prepara per me? Vous avez oublié le. Pourquoi ne le préparez-vous pas? Perché non lo prepara? Oui, répétez encore une fois. Pourquoi ne le préparez-vous pas pour moi? Perché? Perché non lo prepara per me? Per? Per me? Per me, c'est ça. Perché non lo prepara per me? Donc on a prepara parce que c'est le verbe preparare. C'est un verbe en are. Perché non lo prepara per me? Le dîner c'est la cena. Cena. C-E-N-A. Comme la scène du Christ et des apôtres. Cenare, c'est donc dîner. Le verbe dîner. Dites-moi maintenant, voulez-vous dîner avec moi ce soir? Vuole cenare con me stasera? Bien. Vuole cenare con me stasera? Et comment dirait-on où voulez-vous dîner ce soir? Dove voulez-vous? Vuole dîner? Cenare ce soir. Stasera. Bien. Dove vuole cenare stasera? Maintenant, vous allez dire je ne peux pas parler avec vous maintenant parce que je mange. Dites d'abord je ne peux pas parler avec vous maintenant. Non posso parlare con lei ora. Bien. Non posso parlare con lei ora. Parce que je mange. Perché mangio? Voilà, oui. Non posso parlare con lei ora perché mangio. En fait, en français, on dirait plutôt parce que je suis en train de manger. En italien aussi, ce genre de construction existe. Avant d'entrer dans les détails, rappelez-moi comment on dit rester en italien. Restare. Restare, c'est ça. Eh bien, pour dire je suis en train de faire ceci ou cela, on emploie un verbe très proche de restare, qui est stare. Stare est suivi du verbe avec ando à la fin, si c'est un verbe en are, ou endo si ce n'est pas un verbe en are. Donc, je suis en train de manger, Don sto mangiando? Sto mangiando. Très bien. Reprenons notre phrase. Je ne peux pas parler avec vous maintenant parce que je suis en train de manger. Non posso parlare con lei ora perché sto mangiando. Perché sto mangiando, c'est ça. On peut dire aussi mangio, bien sûr, mais sto mangiando insiste sur le fait que l'action se déroule en même temps que l'on parle. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous préparez? Che cosa prepara? Mm-hmm. Che cosa prepara? D'accord. Mais si vous voulez insister sur le moment présent et dire qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Che cosa sta? Sta, oui, très bien, puisque stare est un verbe en are. Reprenez. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Che cosa sta preparando? C'est un verbe en are. Preparando. Voilà. Che cosa sta preparando? On emploie stare, qui veut dire, dans ce cas, être en plein milieu de telle action. Être en train de faire telle action. Stare est suivi d'un verbe avec ando ou endo. Mais il peut aussi s'employer avec per. Per. Stare per. Suivi de n'importe quel verbe à l'infinitif, c'est-à-dire en are, ere ou ire. Là, il s'agit de dire je suis sur le point de. Sto per mangiare. Je suis sur le point de manger. Je m'apprête à manger. Sto per prepararlo. Je suis sur le point de le préparer. Je m'apprête à le préparer. Sto per.